Bonsoir. Alors, c'est planté de bouton deux fois, mais c'est pas grave. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes des Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble en direct pendant pas loin de 3 heures, même si on a commencé à 20h ce soir. Un bisou à Alex du Flucky Mix qui est à l'heure qu'il est sur le montage de Au Quart de Tour qui aura lieu du coup à partir de mardi, si je ne m'abuse. À noter pour... on va dire l'esthétique qui nous concerne le mercredi soir hein, avec une soirée carte blanche à Riposte Asso avec Verbal Razor, Beyond the Sticks et surtout les Allemands de Slope. Pas mal de nouveautés encore ce soir, Legion of the Damned, Tulkundra, Bongzilla, etc., etc. On prendra le temps de se présenter tout ça tout au long de l'émission de ce soir. On est en direct, donc l'ami Thibaut nous servira ses meilleurs focus en cours. Et c'est l'avant-dernière émission en direct de la saison 2022-2023, puisque la dernière, ce sera le dimanche 25 juin. On devrait d'ailleurs recevoir Émile dans le cadre de cette émission pour nous parler plus avant du Ripfest qui aura lieu dans un mois et quelques jours maintenant. Voili voilou, les présentations sont faites pour l'émission de ce soir. On peut attaquer la musique avec tout d'abord les Norvégiens de Immortal. Le groupe nous sort War Against All. C'est du fanservice en pilotage automatique hein, signé Demonaze. C'est bien fait, mais c'est du gimmick sur gimmick. Il n'y a pas vraiment d'inspiration novatrice en même temps. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'un album de Immortal ? J'en attends absolument plus rien, personnellement, d'ailleurs. War Against All, c'est donc le nom de ce nouvel effort studio, toujours une sortie chez Nuclear Blast. En revanche, une sortie d'autant plus intéressante, les Belarus de Extermination Dismemberment, le groupe de Brutal Slam Death qui nous sort un très très très très bon Dehumanization Protocol. Voilà, 10 ans après le serial Herbicide qui avait propulsé le groupe sur l'avant de la scène internationale en termes de Brutal Death. Voilà un album que je vous invite à écouter, une pièce plutôt généreuse. Hein. Et on s'écoutera le morceau Agony Incarnate et juste avant ça Immortal, Thunders of Darkness. En ouverture de l'émission de ce soir, bienvenue à toutes et à tous, c'est parti. Of the blackening wars, Doublette suivante avec tout d'abord les nouvelles lames, si l'on peut dire, hein, parce que le groupe a moins de 10 ans, hein, Mainwar. Ça nous vient de Belgique, c'est du hardcore un peu à l'ancienne et vraiment bien efficace avec un artwork plutôt soigné. Mainwar, voilà, tout est dans le nom du groupe. Et ils nous sortent après démos et EP, je crois qu'il y en a eu deux avant ça, un premier véritable album, Still at War, une sortie Triple B Records au passage. On s'écoutera le très très bon Collective Compulsion. Dans l'ensemble, hein, l'album de Mainwar, c'est une putain de pépite. Et on s'écoutera ensuite Metal Church. Là, en revanche, on est sur du gros vétéran. D'ailleurs, VL va nous préparer un petit focus pour parler des 375 albums studio de Metal Church. On est sur du heavy un peu dur, un peu même trash pour Metal Church. Hein. Le groupe existe depuis le début des années 80. C'est le 72e album studio, Congregation of Annihilation. C'est correct ? C'est pas révolutionnaire hein, ce que nous propose Metal Church, mais ça fait toujours bien le taf, c'est fait avec élégance et qualité, toujours. Congregation of Annihilation, donc on s'écoutera le titre Das Violent Thrills, Mainwar Metal Church, c'est parti. Invisible to us. You can't convince me. We'll be right back. Bonsoir à toutes et à tous. Ah non, pardon, ça je l'ai déjà dit. Re-bonsoir, plutôt, parce que... Et là, c'est toi qui vas dire bonsoir. Est-ce bonsoir. Que c'était un bon bonsoir? Est-ce que c'est bon bonsoir? Est-ce que c'est un bon bonsoir? Okay. C'est un bon bonsoir, bon. Très bien. Bonsoir, bonsoir. C'est pas du tout là. Eh ben, let's go, on attaque le premier focus de ce soir. Et pas de Raymoindre. Ouais, un gros morceau de viande froide. Et clairement attendu, convenu, pas déçu. Du coup, on part aux États-Unis pour suivre l'excellent groupe Cattle Decapitation qui nous ressortent leur 10e album. Un groupe formé en 1996, ils nous viennent de Californie. On brosse directement la discographie parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Formation donc en 96 avec un premier album en 99, Human Jerky. J'enchaîne avec le suivant, donc dans les années de ville, Homovore. Je m'arrête pas trop, enfin je m'arrête pas, si je m'arrête dessus quand même, mais c'est pas forcément les albums qui me marquent le plus, parce que c'était du death grind vraiment old school, pas forcément très subtil et pas vraiment bien enregistré. Bon, c'est du death grind, on en tient pas trop rigueur quand même, mais là l'enregistrement est pas top, c'est pas ma cam, dispensable à mon sens sur ce qu'ils ont proposé sur cette période là. Moi je sais pas toi Damien, parce que c'est peut-être plus ce que t'écoutes, mais vraiment ces albums là je les trouve pas incroyables. Alors les intentions étaient déjà là. Bon, au niveau du niveau, ça se mettait en place, mais oui, après au niveau du rendu global, c'était pas. Enfin, le groupe a vraiment beaucoup évolué, ouais. Mais pour moi, c'est un point de départ vraiment important. Alors, Human Jerky, pas forcément plus mémorable que ça. En revanche, à partir de Homovore, le second album. Là, commence à y avoir vraiment quelque chose de... Alors, j'ai pas écouté parce que, clairement, j'ai pas pris le temps, mais tu as une reissue de Homovore qui a été fait. J'ai pas pris le temps de l'écouter du tout, voir si la qualité du son, elle apportait quelque chose, que t'as une reissue qui a été faite dans les années 2010, il me semble, quelque chose comme ça. Peut-être 2015 ou quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. 2015. Ouais. Et du coup, j'ai pas pris le temps de l'écouter, voir si la qualité de son pouvait compenser. Un petit up sur le truc, ouais. Ouais. Bah dans les intentions, ça se valait. Ouais, on peut. C'était le grind assez inspiré par Carcass. Ouais. Sur la première période de Carcass. Mmh. Avec, pareil, tout cet aspect autour vraiment de la viande froide. Ouais, exactement. Vraiment. Et du coup, ça fait le pont To Serve Man, qui est l'album suivant, donc en 2002. Pour moi, c'est vraiment dans la même lignée, mais là, ils vont commencer à dégager un peu l'aspect grind, tout doucement, en apportant quelque chose de beaucoup plus death metal. Mais je vais lui faire à peu près les mêmes reproches que les deux albums précédents, juste avec une dimension un peu plus death metal qui commence à s'imposer et qui annoncera la suite. Donc en 2004, où tu as Humanure, merci. Un death metal beaucoup plus massif, un gap de qualité dans l'enregistrement monstrueux, et là en fait pour moi c'est vraiment le point de départ de ce que va devenir le groupe au fur et à mesure. Alors on va dire que le début c'était de l'expérimentation, peut-être ils ont essayé plein de choses plus ou moins intéressantes à mon sens, mais là tu sens les bases du groupe qui vont arriver, tu sens que le son il va être présent, de qualité et vraiment ultra massif. En 2006, tu as Karma Bloody Karma, même recette, encore mieux d'enregistrer avec plus de puissance, surtout de puissance dans le son, toujours aussi massif, lourd. C'est peut-être pas l'album le plus mémorable parce que justement, c'est un peu une suite de l'album précédent. Et voilà, dans la discographie, c'est pas le premier que je recommande d'écouter. Donc on enchaîne en 2009. Tu me coupes hein, si t'as des petites... Non, je te laisse dérouler, je réfléchis en même temps. Ouais, en 2009, donc je suis désolé, j'ai pas ton retour, du coup je te coupe la parole. Non, vas-y, je marmonne dans mon coin. Très bien, The Harvest Floor, donc en 2009, on va avoir des éléments qui vont se rapprocher un petit peu de quelque chose de plus sombre, et surtout avec des éléments qu'ils n'avaient pas jusque-là, avec des inspirations qui viennent un petit peu du Tech Death. Je pense clairement un nécrophagiste dans ce qui est proposé, mais voilà, t'as des petits relents de Tech Death qui vont apporter beaucoup de richesse dans ce qu'il propose. C'est une belle pièce qui pour moi fait une grosse différence dans la discographie, elle est un peu à part, et pour les amateurs de justement qui aiment... Alors je peux pas dire c'est du Tech Death, mais il y a des éléments de qui apparaissent dedans. Et ce qui fait quoi, c'est un album qui est à part un petit peu dans la discographie et qui a le mérite d'être écouté. Et donc on arrive en 2012 avec la grosse pièce du groupe qui va commencer à propulser le groupe à un autre niveau, Monolith of Inhumanity. Ça posera clairement les bases de la version moderne du groupe. L'album, c'est massif, brutal, c'est pesant, ça slame par petites touches comme il faut. Et là, encore une fois, t'as des passages vraiment qui portent à un niveau de richesse encore plus haut. Et bon, on reviendra un petit peu, mais le chant du chanteur du groupe... Travis Ryan prend vraiment, on à partir un gros pavé de cet album-là, une dimension qui ne cessera de marquer les 10 années à venir. Ouais, voilà, complètement. Et j'enchaîne parce que je trouve que l'album, c'est vraiment la suite perfectionnée presque de cet album, The Anthropocene Extinction, qui donc en 2015... Voilà, alors déjà, je m'arrête 2 secondes sur les visuels du groupe, qui sont tout particulièrement celui-là qui est épique et iconique dans son sens, dans sa réalisation, dans le message que véhicule le groupe. Qui est, bon, on reviendra un petit peu sur tout ça après, mais voilà, l'album il porte quelque chose d'incroyable et pour moi c'est la consécration de ce qu'avait été Monolith of Inhumanity juste avant. Donc peut-être qu'on s'en écoute... Du coup, c'est l'occasion de faire une petite escale avec un extrait donc, de Monolith of Inhumanity, Forced Gender Refinement. Un mot éventuellement sur le choix de ce morceau ou... C'est un tube. C'est juste un putain de tube. Il est parfait. Je pense que c'est un des morceaux les plus écoutés du groupe parce que il est monstrueux du début à la fin. Et ça pose vraiment ses bases de ce qu'est Cattle Decapitation dans sa version moderne, là dans les années 2010, quoi. Eh ben, c'est parti. I'm sorry. On est toujours à l'écoute de Hellbanger sur les ondes du Radio Béton, les ondes du 93.6, et on est en plein échange de tendresse et de politesse autour du focus de Keitel Decapitation. Ouais, voilà, donc un morceau de 2012, qui, tu vois, avec cet aspect justement que je disais, avec des petites expérimentations un peu slamisantes, un peu, tech death qu'on sent sur certaines inspirations et tout. Et vraiment une période charnière dans la discographie. Et ce morceau-là particulièrement, c'est un putain de tube, quoi. C'est fait pour danser, et quand ça part en live, c'est n'importe quoi. Fin... C'est ça. Donc je reprends un peu mon fil de l'histoire. Donc on s'est arrêté en 2015 après l'excellence The Anthropocene Extinction pour arriver en 2019 avec Death Atlas, qui, entre guillemets, tournera une nouvelle page pour le groupe dans le sens où l'album se fait beaucoup plus sombre, plus blackisant dans ses ambiances. C'est quelque chose de très malsain qui va en découler et qui découle aussi, je pense, des problématiques actuelles et de tous les questionnements qu'on a dans la société. Parce que bon, Cattle Decapitation est un groupe qui est militant dans ses textes, assez virulent et assez pessimiste dans son message. Et là, je trouve que Death Atlas tournera une page encore, même au niveau de l'ambiance, pour passer à quelque chose d'extrêmement sombre. Je pense notamment au court-métrage qui avait été diffusé, je ne sais pas si tu l'avais regardé. Ah bah, qui est absolument glaçant et grandiose. Ouais, ouais, et donc qui est porté par le morceau... de clôture. Ouais, Death c'est Atlas. Ça, le morceau de clôture The Unersalable Past, qui est glaçant comme court-métrage, et vraiment... Quand je suis tombé dessus, j'ai fait « Oh, c'est pas... » Voilà, ça te pose les bases d'un truc, tu fais « Ok, rien que l'introduction... » Enfin, allez regarder le court-métrage, c'est vraiment génial. Et en tout cas, il tourne donc, dans un virant un peu plus sombre, dramatique, même dans ce qu'il propose. Et donc, ce nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle Terracite, est la continuité directe de Death Atlas. Bah, alors, je te coupe avant que tu n'en dises plus. Oui. Je ne sais pas quel sera le 11e effort studio de Keitel en termes de sujet, de ci, de ça ou d'autre chose. Mais là, c'est presque la fin d'un triptyque. Parce que Anthropocene Extinction, donc on est sur une extinction. Death Atlas, c'est la mort. C'est foutu. Et Terracite, du coup, tu vas pouvoir présenter. Et là, on est sur quelque chose qui se recrée, mais uniquement parasitaire. Complètement. Donc... voilà. Complètement, ouais. Bah, de toute façon, j'ai abordé un petit peu le truc, mais juste pour s'axer sur le visuel de l'album, qui est toujours aussi percutant. Alors, Death Atlas, je le trouvais pas assez subtil dans ce qu'ils proposaient au niveau du visuel, c'est peut-être pas leur meilleur. Par contre, ouais, la Terracite, l'humain qui renaît de sa chrysalide dans un état complètement déplorable. C'est assez... Bah, parasitaire. Ouais, complètement. Avec un espèce de Roland Cronenberg, la mouche derrière. Le visuel est assez ouf. Il égale pas pour moi... Fourmise, oui, mais pas loin quand même. Pardon ? Ça égale pas Fourmise, mais pas loin quand même. Ouais, d'accord, merci. Je suis obligé. Et qu'est-ce que je disais ? Et ouais, ça... t'es pas au niveau des visuels de The Anthropocene Extinction ou... celui d'avant, Monolith of Inhumanity, où il y avait une référence ouverte à l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Mais là, cette nouvelle pochette est vraiment très très cool. Elle porte très bien le message. Donc voilà, bon, j'ai pas voulu spoiler, mais Cattle Decapitation est un groupe qui est ouvertement antispéciste depuis sa fondation, parce que tout leur visuel, et une énorme partie de leur texte tourne autour de ça, avec... justement depuis Death Atlas un message qui est beaucoup plus porté vers l'écologie dans sa globalité et dans l'autodestruction humaine avec une vision extrêmement fataliste du phénomène. Et voilà, déjà bon, c'est des messages qui sont très forts, qui sont portés avec énormément de conviction. À l'origine, le groupe était donc 100% végétarien, même si aujourd'hui il reste que Il n'y a plus que deux membres qui sont vraiment dans cette dynamique alimentaire, on va dire. Mais les autres suivent... c'est les deux têtes pensantes. Mais les autres, bien sûr, suivent le mouvement sans se revendiquer plus que ça. C'est ça. Mais du coup, d'origine, en fait, de l'origine du groupe, donc de 1996, on n'a plus personne. Reste quand même donc, le chanteur Travis Ryan qui est là depuis 1997. qui est le plus vieux membre du groupe et qui, je pense, aujourd'hui porte l'ensemble du projet. Est-ce qu'on s'écoute un petit morceau maintenant ? Exactement, pour attaquer après la présentation de Terrazite. Et très bien. Le morceau Scourge of the Offspring, c'est parti. Yeah. hop, on va pouvoir attaquer le troisième chapitre du premier focus de ce soir, et pas des moindres, parce que là, du coup, il s'agit du dixième album studio de Cattle Decapitation, intitulé Terrazite, et on va pouvoir commencer à le décortiquer. Ouais, bah, pour en résumer, la version améliorée de Death Atlas, à mon sens, pour brosser un portrait assez rapide, toujours plus riche, toujours plus lourd, toujours plus écrasant dans ce qu'il propose. La bande-son parfaite de la fin du monde. Musique, bah voilà, toujours aussi militante, toujours aussi alerte sur l'urgence climatique et sur tout ce qui tourne autour de cette problématique. Et ouais, musicalement, ça prend des dimensions complètement stratosphériques avec ce... voilà, on va y arriver avec le chant incroyable de Travis qui a une palette vocale monstrueuse, inhumaine. Ouais, clairement, il passe d'un chant caverneux à des hurlements aigus qui te prennent les tripes. Ah bon, on fait des sorties de corps, hein, si on écoute ça au casque. Ouais, complètement. Et surtout, bah, cette espèce de chant clair saturé, ouais. qui est sa signature maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ce qui a été un peu expérimenté sur l'album de 2012. Et c'est vraiment dès 2015. C'était assez... Ouais, ok, ça c'est Cattle en fait. Il n'y a pas besoin d'écouter autre que juste cette ligne de chant, et ça c'est Cattle. Et il n'y a que Travis Ryan qui fait ça. Ouais, c'est ça. Et puis ça t'hérisse les poils à chaque fois que t'écoutes. T'as vraiment l'impression d'avoir cette urgence qu'on te hurle un truc. C'est ça. C'est très très puissant. Et bon, voilà, le chant porte énormément le projet. Les Icos derrière, c'est pas des débiles. Bah, on a notamment le bassiste de Cryptopsy hein, dedans, ouais. Pour situer un peu le level quand on parlait de Tech Death tout à l'heure. Voilà, on est vraiment dans la branche la plus brute du Tech Death avec des. Alors, il y a quelques arrangements autour, mais c'est vraiment juste les arrangements instrumentaux. Parce que les Icos sont tous monstrueux. Ouais, ouais, voilà, la globalité du projet est incroyable depuis. Pour moi, depuis Monolith of Inhumanity, c'est vraiment un gap où le groupe s'est exporté déjà beaucoup plus et surtout a proposé quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre, quelque chose de novateur et par le chant, quelque chose de complètement atypique, reconnaissable, et c'est ce qui fait toute la force du groupe. Là, sur cet album, on a toujours quelque chose de très sombre, de très pesant. Et ça fonctionne super bien du début à la fin. Enfin, franchement, l'album, tu le mets, t'arrives au bout, tu fais ouais, c'est passé quoi pendant foutu. 45 minutes quoi. C'est une tuerie. Et ouais, t'as la batterie qui te harcèle le crâne pendant tous les morceaux. T'as toujours ces espèces de descentes. C'est presque proto-slam. C'est les vieux albums, ça slamait. Là, maintenant, sur cet album-là, t'as les grosses descentes, on va dire mid-tempo pour pas dire trop slam tout le temps, mais c'est ça l'idée, quoi. Et puis on clôture encore l'album sur un morceau d'une dizaine de minutes, un putain de bloc. Et en fait, voilà, depuis vraiment trois albums, Cattle Decapitation repousse les limites de la perfection. Et on a à peine digéré celui-là qu'on se dit, bah putain, vivement le prochain, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'ils vont encore réussir à franchir comme cap dans la perfection de. Des enregistrements, des inspirations qu'il peut avoir. Puis oui, vous faites bien de vous poser la question sur scène, ça en met pas une à côté. Ah ouais, complètement, c'est monstrueux sur scène. À la condition d'avoir un son qui tienne la route, parce que c'est. Qui va pas desservir à la presta. Voilà, on a quand même une qualité technique, et encore une fois, tout particulièrement dans le chant, avec une diversité vocale telle qu'il faut qu'il y ait un son qui suive, et bah, malheureusement, les quelques fois où je les ai vus, le son n'était pas toujours au rendez-vous, mais c'était en festival, on pardonne. Voilà. C'était bien quand même. Hein, Cattle, venez faire une tournée européenne avec des dates françaises en salle. Merci, ce sera tout pour nous. Voilà. Sur ce, on s'écoute un dernier extrait de Cattle, ouais. Un deuxième de cette pièce magnifique Terrazite, et le morceau Fossix Doom. Ouais. Alors l'album, le morceau qu'on vient d'écouter avant, c'est vraiment celui pour moi qui ressort en premier de cet album, et le second, donc Fossic Doom, qui est assez classieux aussi, qui est un petit peu plus sombre que le précédent, mais excellent également, et de souvenir celui-ci il a été clippé, donc voilà. Très bien, et ben let's go, et on clôt là, tout de suite du coup ce premier focus pour ce soir, signé Cattle Decapitation. We'll be right back. Retour à la diff classique avec la doublette à venir Buggin puis Burning Witches. Buggin, ça fait partie de cette nouvelle scène hardcore américaine. Hein. Le groupe s'est formé en 2018. On aura d'ailleurs le plaisir de les voir au Super Bowl of Hardcore à Rennes. D'ici quelques semaines, c'est porté par une chanteuse qui arrache comme il faut. Concrete Cowboy, c'est le nom de ce premier véritable album. Voilà, ça s'écoute plus que ça ne se discute. Buggin, c'est une sortie sur l'excellent label Flatspot Records. On s'écoutera le morceau Not Yours, et ensuite Burning Witches, formation de Evie Toton qui nous vient de Suisse. Un quintet 100% féminin, The Dark Tower, c'est le nom de leur cinquième effort studio. Voilà, on est sur du heavy à la sauce allemande, donc ils flirtent avec le trash. C'est bien vénère et c'est, bah, ça fait super le taf sur scène en plus. The Dark Tower, et on va s'écouter simplement le titre de l'album, Buggin, enchaîné à Burning Witches.